Écorce. L'écorce d'un vieil arbre, vestige de l'arbrisseau qu'il fut. Première peau. Il a poussé depuis cet arbre, il a grandi. Son tronc s'est dilaté un peu plus chaque année. La peau d'origine peine à suivre. Elle a perdu de sa souplesse. Elle n'est plus adaptée à la pression de ce qui veut encore croître là. Au cœur du tronc. Elle se craquelle, s'étiole, tombe imperceptiblement en lambeaux. Ce n'est peut-être que cela, vieillir, ne plus être assez souple pour pouvoir suivre les élans du cœur. Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.